EDRF, il dit bah c'est de la merde. C'est sûr. Ouais, mais après, pas comme ça. Après le truc c'est qu'il faut savoir ta bulle. Il faut savoir différencier déjà quelqu'un qui va te dire ouais c'est nul ou ouais c'est nul parce que genre qui explique vraiment pourquoi. Qui fait une vraie. Ça paraît logique, mais. Mais après tu vois, à la différence de quelqu'un qui serait tout seul. Quand t'es tout seul, t'es dans ta bulle, ce qui est normal. On est tout le temps dans notre bulle, t'es tout seul, t'es dans ta bulle. Là, on est aussi dans notre bulle en soi. Mais on est trois, donc tu vois, donc ça apporte quand même une nuance. Oui, mais c'est plus nuancé, tu vois. Parce que quand t'es tout seul, même si t'essaies de nuancer ton avis ou ton travail, au final, tu pourras jamais autant nuancer un travail qu'à trois. Et c'est ce qui est normal, ce qui est normal, tu comprends. Et c'est pour ça. Là, pour l'instant... Mais faut pas avoir peur du t'es nul. Ah non, mais nous on avance à ça, hein. Nous on... en même temps, non, après, c'est juste intéressant. Non, mais tu vois, genre, nous quand on a lancé là Purple Vision Daily par exemple, comme je te dis, là c'était notre image qui se mettait en jeu, on mettait pas l'image de nos artistes, enfin des artistes, et là c'était notre image, donc déjà si tu reçois un avis négatif ou un truc, ça fait encore plus mal en soi, et il faut être capable de se confronter à l'avis des gens. Mais l'avis négatif, moi j'aurais pu vous mettre des avis négatifs sur vos clips. Bien sûr. Genre dire, pas juste lâcher un. C'est de la merde. Non, c'est pas constructif. Parce que là, mais après, ça. Le but, c'est pas moi, de descendre. Pour moi, enfin, après, c'est mon avis, mais pour moi, mettre un avis négatif, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt. Je vais pas te mentir. C'est ce que je t'ai dit. Nous, pas le mettre en public déjà. Et le mettre en privé, dire. Ouais, voilà. Nous, après, on a jamais été fermé à la critique. Parce que. On n'avance pas sans critique, on n'avancera jamais sans critique. Donc je peux vous envoyer si des DM. Mais même si tu viens en off et puis on en discute, il n'y a aucun souci, on est là pour en discuter. Nous, on est là pour avancer. Moi je te dis, nous ce qu'on veut faire c'est avancer. Nous on veut juste avancer. Bonne chance les gars, bonne chance. Et genre, juste petite question, et comment tu. Après je coupe. Comment tu réagis si demain il y a un tel, je sais pas qui, vous publiez le clip de demain, puis. Un mec qui sort de je sais pas d'où, bam, il descend votre truc en public. Commentaires publics, vous supprimez. Non, on laisse tous les avis, mais ça dépend. Est-ce qu'il va mettre genre. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Bah, on laisse, mais. On prend pas en compte ta vie, on s'en fout. Tu peux pas prendre en compte un c'est de la merde. Si tu prends un c'est de la merde en compte, c'est très compliqué. Après, par contre, si tu prends en compte quelqu'un qui te met un avis en expliquant son point de vue, c'est déjà plus intéressant. Mais après. Parce que là, tu te remets en question. Un c'est de la merde, de vue, tu peux pas te remettre cul, en question. Tout le monde en a un, c'est ça après, mais tout le monde a un bon point de vue. Mais le problème c'est que un c'est de la merde, c'est dur de se remettre en question dessus parce que il y a aucune base. Tu ok, si t'en as 10, c'est de la merde. Là, tu te dis quand même. Ah, c'est sûr après, mais. Ouais. Mais après, voilà, on se heurte à des difficultés. Comme avec KXR Palace, on se heurte à des difficultés. C'est tout le temps, on avance. On essaie d'avancer avec et on essaie de se construire autour. Ok. Voilà. Yes. Le mot de la fin pour Purple Vision, c'est quoi là tout de suite? Moi je vais redonner tous les réseaux, comme ça on part pas sans les réseaux. Purple Vision Studio sur YouTube. Non, Purple Vision. Non. Purple Vision Studio Purple sur YouTube. Voilà, Purple Vision ça. Daily pour les making voilà. of. Et sur Insta Vision c'est Purple Studio. Vision Studio. Yes. Donc n'hésitez pas à ajouter. Il y a des clips sur leur chaîne. Et ils d'autres ils clips. Même gagner des séjours à Nice. Ça faut voir avec toi ça. Hein. Un jour, on verra. Un moment. Hein. Et puis, désolé, c'est vrai, il est minuit 3, on a un peu dépassé, mais je pense qu'on aurait pu encore discuter. On aurait pu durer une heure, nuit, hein, je pense. Heures, Non, bien sûr. Et puis après là, on peut pas tous dire non plus. Voilà. Après. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est merci d'être venu, d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est continuez sur votre lancée. Ce que vous avez fait en 3 mois, c'est déjà énorme. Donc, merci. Continuez comme ça, voilà, dans votre Purple Vision, là, comme vous dites. Et puis. Nous, mettez une définition là-dessus. Voilà. Non, mais pour de vrai, c'est important. Mais tu vois, j'ai peur qu'une définition, ça nous limite. Ouais, aussi. C'est la maison non, mais plusieurs. Alors. Ça peut aller loin. Non, mais après, tu rentres dans un débat loin. Mais maison 2-3, tu vois. Habite ma mère. On peut durer toute la nuit, mais non. Moi, j'ai peur de. Les définitions, c'est bien, mais les définitions, ça limite quand aussi. Quand je te dis une définition, c'est pas genre. C'est pas une définition, mais. Un truc branding, un branding autour de votre mot, de votre marque, tu vois. Parce que bien sûr, après, on est en... Je vous ai demandé, c'est quoi votre vision ? On a traîné pendant... Mais tu vois, l'avantage, c'est que là, on va à une radio, on voit ce qui se passe, on comprend, ouais. et on se construit autour, tu comprends ? Bien sûr, bien sûr. On se construit autour, c'est le but. On se remet en question bien et puis... Ça fait que 3 mois aussi, mais... C'est pour ça, on est jeune, hein, pour l'instant on est jeune, mais on essaie d'être sérieux. On ne vous l'enlève pas. C'était un plaisir, c'était vraiment un plaisir. Mais nous aussi, c'était un plaisir. Merci, ouais, merci à vous en tout cas. Discuter avec vous. Et puis on va continuer ça en off. Tout de suite, yes. Freestyle de Purple Vision. Ouais. Ah, ok, ok. La rime facile, tout ça. Ok, tout DRK. en même temps, bah, petit big up en même temps en passant à KXR qui est avec nous. Ouais, j'étais là depuis le début, mais j'écoutais. Il écoutait. N'hésitez pas à aller voir. Ben, du coup. Chiche, le dernier clip c'est Chiche officiel. Et ceux qui veulent le lien privé, vous voyez ça avec Purple Vision pour Palace. Palace, ouais. Il a été. Voilà, un petit souci. Bref, allez voir. Mais Chiche. On va en refaire un bientôt. On va en refaire un. Et yes. C'est quoi le souci avec Palace ? Un super beau. Il y a eu un petit souci avec les. Un petit souci, c'est tout. Un petit souci, quoi. Il est plus sur YouTube ? Non, il est plus disponible. Il est plus sur YouTube. Il est en privé. Il est en privé. Là, on l'a. Ouais, si tu veux le voir, il est en privé. Si tu veux le voir, faut venir nous voir, nous. Voilà. Et un petit big up aussi à EDRF, du coup, qui s'est ramené... Il est venu changer les compteurs. Qui est passé un petit coup. Il y a le poteau qui est avec vous, je sais pas, son blaze... Snakito Prod, il fait aussi des clips. Bah voilà, putain. Il nous disait rien depuis tout à l'heure. Ouais. C'est toi, gros. C'est Sasuke, tu connais. Mais non, mais on va laisser se présenter. Le Sharingan. Ouais. Même pêche que DJ Arafat, hein. Oh, toi aussi. Quoi? T'as présentation, petite présentation brève ou... Moi, je suis Snakito Prod. Salut. Je suis un pote au Purple Vision. Salut. Et j'ai commencé il y a pas longtemps, ça fait 3 semaines. Ok, tu te lances vraiment dans le truc. Un quart d'heure là. Ça fait 20 minutes. J'ai 4 clips à mon actif. Non, en vrai, il... C'est un ami à nous et puis voilà. Et puis allez, suivez-le aussi parce que ça m'a envoyé aussi. Hein. C'est quoi, t'as une chaîne YouTube tout ça ou Non, j'ai que une page Insta, SNKT Prod. SNKT Prod. Ouais, okay. Et je vais lancer une chaîne YouTube aussi. Mais t'as fait un clip, non? Ça fait 2 jours. Ouais, j'ai fait un clip. Ah oui, déjà. Je l'ai vu, je crois. Attends, c'est quoi le clip? C'est Don Marasca. J'ai vu. Colonisé, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, merci. Merci. Il se lance et puis voilà, allez le suivre. Ok. Mais parle-lui, il est en face de toi, wesh. Ok. Non, mais... Donc, SNKT Prod, le clip est sorti, Don Braska, Colonisé. C'est exactement ça. On va aller voir ça. Mais wesh, Purple Visio, il y a moyen de rentrer dans l'équipe ou pas? Je te pousse. Pour l'instant, on reste à 3, mais je pense qu'on va faire des choses ensemble. De toute façon. Mais comme tu lui parlais de collaboration, de trucs, pourquoi pas, on verra. Okay. Mais pour l'instant, on reste les 3 en tout cas. Ouais. Yes. 30 de crevard. Jones, le mot de la fin, comme à chaque émission, c'est quoi aujourd'hui? Ok. Merci, Jones. Donc c'était Purple Vision, merci Jones. Purple Vision, on était là de 22h à minuit, c'était les invités du jour. Violet. Pour tous les réalisateurs, ceux qui kiffent les clips, tout ça, j'espère que vous avez kiffé l'émission. Nous c'était la première, attends, je vais te couper ton micro, voilà ça c'est fait. Nous c'était la première, tout le côté vidéo, tout ça, donc cette année c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. On va essayer d'ouvrir un petit peu plus, je coupe le deuxième micro. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver tous les jeudis, comme d'habitude, la 25e, 101.8, radiosur.net. On est là, Purple Vision Studio sur Instagram, vous ajoutez. Oui, Jones. Merci, Jones. Voilà, c'était la 25e, on vous laisse, il est minuit 10, bientôt. Je mets un petit jingle et puis on rend l'antenne. Allez, bonne soirée et bonne soirée étudiante aux étudiants. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Si tu nous entends, viens nous le réparer. Le cœur du monde va mal, monsieur le cœur cogné. On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré. On a trop besoin d'aimer, on régit le cœur cogné. La folie des hommes nous l'a déchiqueté. Le monde a besoin de toi, monsieur le cœur cogné. On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré. On a trop besoin d'aimer, on régit. vois monsieur le cœur donnier. Oui je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recouds avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier. Radio Sud Besançon 101.8 FM.